France Inter et la Massif vous proposent un cycle de conférences autour du cerveau, animé par Mathieu Vidard et Lionel Nakache. Bonjour à toutes et à tous, c'était le 18 avril dernier. En direct du studio 104 de la Maison de la Radio et dans plus de 130 salles de cinéma en France, notre dernière conférence de notre cycle sur le cerveau. Toute cette année, avec le neurologue Lionel Nakache, nous avons exploré les mécanismes du cerveau pour évoquer trois thèmes, la mémoire, l'attention et la concentration, et le sommeil. Et c'est justement cette dernière thématique que vous allez suivre dans un instant avec les invités qui nous ont rejoints sur scène. Que se passe-t-il quand nous dormons au plus profond de notre cerveau? Quels sont les effets de notre sommeil sur la mémoire? Comment expliquer les dysfonctionnements qui viennent troubler notre sommeil? Les sciences du cerveau peuvent nous aider à mieux dormir? C'est ce que vous allez découvrir tout de suite avec ce podcast. Alors bon voyage dans les secrets de notre sommeil. Mathieu Vidard. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici au studio 104 de la Maison de la Radio et bienvenue également à vous toutes et à vous tous qui êtes dans les 140 salles de cinéma partout en France du réseau CGR pour participer donc à cette dernière conférence de notre cycle cerveau, dernière escale donc sur le déjà la cerveau, dernière avec notre neurologue Lionel Nakache. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, on est très heureux de vous accueillir pour parler évidemment d'un sujet qui nous concerne tous. On a pu d'ailleurs le remarquer, Lionel, en discutant avec notre famille ou avec nos collègues, à quel point le sommeil est un sujet qui nous concerne. Ah oui, au moins autant que le salaire des cadres, voilà, ça fait partie. Le sommeil, c'est une... Et puis c'est pas surprenant parce que, comme vous le savez, c'est en fait un état dans lequel on passe à peu près le tiers de notre existence. Donc c'est pas mal de savoir à peu près ce qui se passe un petit peu pendant ce tiers de notre vie. C'est dingue. Mais oui. Ouais, un tiers, ouais. Donc voilà, donc on va essayer de partager avec vous. On est loin de tout savoir. Quand je dis on, je parle pour toute la communauté scientifique et médicale, mais déjà, on va le voir ensemble, il y a un ensemble d'explorations de connaissances qui ont à la fois une valeur générale de savoir, de se découvrir, mais aussi avec des applications pour les troubles du sommeil, on va en parler. Ouais. Et donc évidemment, on va explorer toutes les facettes du sommeil, et il y en a beaucoup, hein, des mécanismes les plus intimes. Et d'ailleurs, on va changer de sens, Lionel, parce qu'on ne s'est pas mis au bon endroit. Oui, voilà. Oui, c'était un test. Voilà, on a mal dormi cette nuit, nous aussi, donc on est un peu perturbés. Voilà. Et puis évidemment, avec nos invités scientifiques qui sont là, on va pouvoir évoquer aussi tous ces troubles qui sont liés, entre autres, au déficit du sommeil. Et on va les présenter, puisqu'ils sont là déjà dans la salle. La neurologue Valérie Cochin de Coq, qui travaille à la clinique Beau Soleil de Montpellier, et le chronobiologiste Claude Gronfier, qui mène des recherches à Lyon, au laboratoire, au centre de recherche en neurosciences. Puis vous verrez également une navigatrice dont, évidemment, la gestion du sommeil dans son travail est un élément absolument indispensable. Lionel, qu'est-ce que c'est que le sommeil, finalement, par rapport à ce cerveau qui nous réunit là depuis maintenant trois rendez-vous? Depuis déjà trois, oui. C'est vrai qu'il y a une certaine émotion qui nous gagne. Vous, je ne sais pas, mais nous, d'être gagnés par... C'est la dernière, c'est la fin c'est de ce vrai. Cycle. Et comme Mathieu vous l'a dit, il y a tellement de choses sur le sommeil qu'il faudra vraiment rester éveillé, je pense, ce soir, pour arriver à en profiter le maximum. Alors, évidemment, à nouveau, le cerveau, cet organe qui, du coup, donne sens à ce cycle, le sommeil ne se réduit pas au cerveau, mais le cerveau joue un rôle considérable, on va le voir, évidemment important dans le sommeil. Alors, peut-être pour planter le décor rapidement, vous vous souvenez, on a fait beaucoup d'explorations déjà ensemble. En gros, je schématise un tout petit peu, mais sans être trop caricatural, on a ces hémisphères, ce néocortex, qui est en fait vraiment l'espace de cogitation, de computation, extrêmement riche, dans lequel se passe beaucoup d'activités. Eh bien, ce cortex, très étendu, qui est à l'écorce du cerveau, en surface, il peut être dans des états plus ou moins éveillés. Et quand on parle du sommeil, pour un neurobiologiste, pour un neuroscientifique, très vite, la question du sommeil se décline aussi sous un aspect très particulier, c'est quel va être l'éveil du cortex. Et on va découvrir ensemble, vous le savez déjà évidemment, mais que notre cortex peut être dans différents états, plus ou moins éveillés, et que les paramètres qui vont gouverner ça sont notamment dépendants de structures qui sont, elles, profondes, qui sont pas en surface, mais qui sont profondes. Et on va le découvrir tout à l'heure avec nos collègues, nos invités. On rentrera dans les méandres des mécanismes de modulation de niveau de l'éveil du cortex. Pour le planter en quelques mots, simplement. Alors justement, pour démarrer cette soirée, on va entrer dans une grotte, l'une des plus connues au monde, oui. Évidemment, la grotte de Lascaux, avec une image, Lionel, que vous souhaitiez nous montrer, parce que elle évoque, selon vous et selon beaucoup de scientifiques, justement, quelque chose de l'ordre du sommeil ou du rêve. Oui, en fait, je voulais qu'on commence par cette fresque, cette représentation d'une fresque de Lascaux, Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord, évidemment, on va parler du sommeil tel qu'il est étudié aujourd'hui, en 2019, etc. Mais il faut se remettre dans une perspective que le sommeil, c'est une dimension de la condition humaine. Et autrement dit, si on se tourne déjà vers nos traditions culturelles ou intellectuelles les plus variées, Freud et l'interprétation des rêves, mais même bien avant, eh bien, vous avez des mythologies, des œuvres d'art, des poésies, énormément de choses. Dans la Bible, des récits mythologiques sur des rêves, sur la valeur prophétique ou pas, sur des mythes extrêmement importants, et jusqu'aux dernières productions cinématographiques, Inception, etc. Autrement dit, il faut prendre conscience que le sommeil, c'est vraiment un pan de la condition humaine, on pourrait le dire sans être... Alors du coup, je voulais aller au-delà de l'histoire, dans la préhistoire, et là, vous avez cette représentation. Alors, qu'est-ce qui se passe à Lascaux exactement? Alors, qu'est-ce qui se passe à Lascaux? Alors, c'est une hypothèse. On peut être ouvert à la discussion. Je n'affirme rien. Et je me range derrière, en fait, un des plus grands experts français du sommeil qui est mort récemment, qui s'appelait Michel Jouvet. On va en reparler ce soir. Et Michel Jouvet, on va en parler beaucoup, vous allez voir, dans quelques instants. Et il a fait cette hypothèse, que cette fresque, en réalité, c'est peut-être, je dis bien peut-être, une des premières, ou en tout cas celle qu'on connaît aujourd'hui, une des plus anciennes représentations humaines, culturelles, symboliques, du sommeil, et plus spécifiquement d'un état particulier du sommeil qui nous est cher, le rêve. Alors pourquoi? Parce que vous voyez évidemment un individu qui est allongé. Il est allongé, à côté de lui, il y a une sorte de mammouth énorme. Il n'a pas l'air d'être spécialement effrayé. En tout cas, comme si on voyait une sorte de caméra objective, on voit quelqu'un qui est allongé, possiblement qui dort. Et en fait, ce que vous voyez à côté, ça serait peut-être la scène onirique qu'il est en train de voir. Alors quand on présente ça, j'ai testé avec Mathieu, avec d'autres... Souvent, les gens vous disent « Non, mais le plus simple, c'est qu'en fait, il soit simplement en train de se faire attaquer par un mammouth. » Alors, il y a deux indices. Premier indice, c'est qu'on ne voit pas un corps déchiqueté. Hein. Alors, même si c'est saison de Game of Thrones extrêmement cruelle, on aurait pu imaginer une scène beaucoup plus violente, ce qui n'est pas le cas. Et autre indice beaucoup plus précieux, en fait, cet homme est en érection. Et l'érection est un des paramètres importants d'une phase du sommeil, le sommeil paradoxal, on va y revenir, c'est vrai. Durant laquelle surviennent, pas tous, mais la plupart des rêves les plus riches. Donc Michel Jouvet a fait cette hypothèse, que je trouve assez émouvante. Peut-être que vous avez sous les yeux une des premières tentatives de représenter, au-delà du langage, ce que serait que l'expérience onirique chez l'être humain, chez les hominidés. Oui. Il a une drôle de tête, votre personnage. Alors, vous avez parfaitement raison. Et il a une tête, si vous l'analysez, on dirait un peu un oiseau. Et à côté, il y a un oiseau, précisément. Alors si on pousse le délire un peu plus loin, on peut se dire qu'en réalité, cette tête d'oiseau du personnage qui est en écho avec l'oiseau qui est à côté, vous savez que les oiseaux, du fait qu'ils défient la gravité, qu'ils s'élancent dans les airs, qu'ils s'arrachent à la gravité, ils ont souvent été utilisés dans beaucoup de cultures comme le symbolisme de l'esprit, de quelque chose qui peut s'arracher au corps. Et on peut aller jusqu'à faire l'hypothèse que du fait que nous rêvons, et que quand on rêve, on sait qu'en fait, quand vous voyez quelqu'un qui est endormi, qui est en train de rêver, vous voyez un corps inerte devant vous, entre guillemets presque un peu mort, quoi. Et pourtant il se passe quelque chose de très riche, eh bien peut-être que le rêve est une des sources d'inspiration d'une forme de dualisme, de dire en fait si l'esprit et la matière c'est pas la même chose, on a la preuve toutes les nuits, on est endormi, notre corps ne bouge pas, mais nous sommes ailleurs, nous sommes comme cet oiseau qui vole. Donc évidemment, effectivement, la combinaison de la tête du personnage et de la tête de l'oiseau serait un indice en plus de l'érection pour penser qu'il s'agit d'un rêve. Voilà, et c'est donc Michel Jouvet que nous avons Michel vu Jouvet, juste après, auquel il faut rendre hommage. Hommage, c'est absolument. Un très très grand scientifique à l'échelle mondiale, vraiment, oui, si dans cette voulez. Science du sommeil. Absolument, hein. Pour vous donner un repère, parce qu'en France on connaît beaucoup Léon Jouvet, mais Michel Jouvet, en fait... si vous voulez, on s'en fiche un peu des critères objectifs, mais il a tout à fait l'envergure d'un prix Nobel scientifique. C'est quelqu'un, on va le voir ensemble, vous serez convaincus, il a fait parmi les plus grandes découvertes contemporaines sur le sommeil. Ouais. Alors, ce qu'on va voir aussi, Lionel, avec vous, c'est que ce cerveau au repos, ce cerveau qui dort, est loin d'être inactif. Et ça fait partie des choses peut-être les plus surprenantes. Hein. C'est que, Absolument. Bien au contraire, ce cerveau fait beaucoup de choses quand nous dormons. Absolument. Et là, on arrive à nouveau dans peut-être ce qui est la spécificité de notre discipline. Tout ne se résume pas aux neurosciences, une fois de plus. Hein. Mais ce qui est intéressant dans les neurosciences cognitives, c'est que vous vous intéressez à la vie de l'esprit. Vous vous intéressez à la psychologie, vous voulez savoir. Et la meilleure façon de le faire, si vous restez uniquement en caméra subjective, vous dites « Ah, je vais introspecter comment je fonctionne », vous ferez des choses intéressantes, mais vous serez limité parce que vous ne sortez pas de cet espace. Donc la façon de travailler, c'est effectivement de demander aux gens ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent en première personne, mais de confronter ça avec... l'observation du fonctionnement du cerveau. Alors justement, comment ça s'étudie ça en laboratoire? Alors, le sommeil Eh bien, de manière extrêmement simple, quelqu'un va s'allonger dans un lit, on va le voir tout à l'heure aussi pour les applications cliniques. Vous vous allongez dans un lit, vous allez commencer doucement à tomber dans les bras de Morphée, à passer par les différents stades du sommeil qu'on va voir ensemble. Mais pour savoir ce qui se passe, eh bien, on va vous barder de capteurs. on va enregistrer l'activité de votre cortex en posant des électrodes, ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, qui est un examen assez ancien mais très précieux. On va enregistrer l'activité de vos muscles, on va étudier les mouvements de vos yeux, on va étudier votre respiration, votre activité cardiaque. Et aujourd'hui, on peut aller plus loin en utilisant de l'imagerie cérébrale fonctionnelle type IRM ou autre. Et en mettant en relation ces marqueurs d'activité cérébrale avec ce que vous êtes en train de vivre, on va pouvoir décrypter et corréler ces différents états mentaux, conscients ou pas, avec ce qui se passe dans votre cerveau. Et effectivement, comme vous l'avez parfaitement dit, un des messages clés, c'est que votre cerveau n'est jamais au repos comme vous l'êtes subjectivement, par exemple, pendant l'espace de sommeil profond. Tout à l'heure. Alors, on va avoir un schéma, justement, un tableau oui. qui va nous présenter, vous allez le décrypter pour nous, parce qu'évidemment, on l'a vu comme ça, c'est un petit peu incompréhensible, mais il décrit extrêmement bien toutes ces différentes étapes qui oui. illustrent notre sommeil. Absolument. Il est là. Alors, peut-être voilà. que je vais prendre... Voilà. C'est vrai que c'est pas le plus beau des schémas, hein. Mais, alors, vous avez en fait... C'est important de passer 3 minutes pour que vous ayez ça en tête. Pour vraiment, parce qu'on va ensuite en permanence pendant toute la soirée faire des appels à cette structure. Donc ce que vous avez ici, c'est une nuit de sommeil. Donc vous avez les heures en abscisse, 23h, minuit, 1h, etc. jusqu'à 6h du matin. Et puis là, vous avez sur cet axe vertical en Y, vous avez les stades du sommeil. Alors je vous ai dit, le sujet est allongé, donc de l'extérieur vous voyez pas grand chose, vous voyez quelqu'un qui dort. Sauf qu'en enregistrant son EEG, les mouvements de ses yeux, son muscle, on peut arriver à distinguer différents stades du sommeil. Et ça, c'est important de rentrer là-dedans. Vous voyez qu'il y a des traits verticaux qu'on voit pas très bien, et puis des durées en couleur. C'est les phases durant lesquelles le sujet reste dans un des stades. Donc au début, le sujet est éveillé. Vers 23h05, il va passer en sommeil léger, et puis en sommeil léger, mais un peu plus profond, qu'on appelle stade 2. Et ensuite, il va passer en sommeil profond avec des ondes lentes. Et là, son EEG, votre EEG, devient synchronisé. C'est des grosses ondes lentes, ce qui veut dire que votre cortex, des millions de vos neurones, se laissent driver par les structures profondes, le thalamus, donc sont vraiment en mode, on pourrait dire, d'activité très lente. C'est ça le sommeil profond. Et vous voyez que le sujet va passer le stade 1, 2, 3, 4, il fait une grande période en stade 4, et puis il repasse par le 3, par le 2, et il arrive dans un état. Et cet état qui est en haut, c'est le cinquième stade du sommeil. C'est lui qu'on va appeler le sommeil paradoxal. Il mérite qu'on s'y arrête un instant. Et ça, c'est la grande découverte de Michel Jouvet. Voilà, c'est une de ses plus grandes découvertes. Et donc, ça mérite vraiment qu'on prenne 2 secondes. Mais juste auparavant, vous voyez que quand vous avez cette figure-là, parce qu'on la reverra pas ensuite, eh bien, ça, c'est un cycle de sommeil. Quand vous passez par ces différents 5 stades du sommeil, on va appeler ça un cycle. Ça va durer à peu près 90 minutes à 120 minutes. Et puis, une nuit normale, c'est l'enchaînement de plusieurs cycles, hein, de 3 à 6 cycles en moyenne, d'accord ? Et si vous voyez avec acuité cette figure, vous voyez qu'une nuit normale, elle a également une sorte de gradient. C'est qu'au début de la nuit, vous faites beaucoup de sommeil lent. Et on verra que ce sommeil, il est associé aux périodes, aux phénomènes de récupération, de consolidation mnésique, voire d'éléments de créativité. On en parlera aussi tout à l'heure à plusieurs endroits. Et puis, au fil de la nuit, vous voyez que le sommeil paradoxal, qui à nouveau n'est pas la seule période des rêves, mais c'est la période durant laquelle les rêves sont les plus riches, les plus vivides, eh bien, cette période de sommeil paradoxal, elle va croître. Autrement dit, on fait les rêves les plus vifs et les plus abondants en fin de nuit, au petit matin, juste avant de se réveiller. Ça, vous pouvez garder en tête, c'est une nuit normale. Oui, c'est la nuit idéale, un petit peu, en fait. C'est la nuit idéale. Sur quelqu'un qui dormirait vraiment normalement. Exactement. Alors, justement, s'il y a interruption du sommeil, est-ce que le cycle reprend depuis le début ou pas, Lionel? Alors, ça dépend. Et là, ouais. Il faut rentrer dans le détail de à quelle période on a été réveillé. Parce qu'effectivement, pour savoir ce qui se passe d'un point de vue psychologique, la meilleure des méthodes, c'est que vous voyez qu'un sujet est dans tel stade, eh bien vous le réveillez et vous lui demandez à quoi il pense. Et donc si vous n'avez rien, il dit bon, rendormez-vous. Et s'il est en train de courir après quelqu'un, etc., vous dites ah là, c'est peut-être un rêve, un récit de rêve. Et c'est comme ça qu'on a tâtonné au début pour savoir associer des états mentaux à ces récits. Et là, on peut arriver dans le sommeil paradoxal peut-être. C'est que on va aller vite, hein, parce qu'on essaie de mettre ce cadre au début. Eh bien, ce que Michel Jouvet a découvert, en fait, c'est qu'en faisant ses premiers enregistrements dans les années 50, on est dans les années 50, hein, fin des années 50, il fait cette découverte qu'en fait, effectivement, quand vous dormez, ben, au début, vous avez votre cortex qui est très éveillé, et puis progressivement, il va passer par les sommeils légers, par les sommeils lents. Et ça a été le premier à identifier ce stade qu'on a mis tout en haut, le sommeil paradoxal. Pourquoi il l'a appelé le sommeil paradoxal? Parce que le paradoxe qu'il avait sous les yeux, c'est que le sujet a l'air de l'extérieur totalement endormi. Son cerveau vient de passer par les phases de sommeil les plus profondes, et pourtant, de manière assez rapide, assez soudaine, son cortex retrouve un état d'éveil qui est quasiment comparable à celui que vous avez maintenant ou que vous devriez avoir maintenant quand on est éveillé. Donc c'est-à-dire que le corps est quasiment paralysé? Alors exactement. C'est presque une paralysie. Voilà. Alors en fait, première chose, c'est qu'il est dit, on va appeler ça le sommeil paradoxal. Le paradoxe, comment le sujet a l'air conscient alors qu'il est inerte? C'est ça le paradoxe qu'il faut résoudre. Et effectivement, comme il y a tous ces capteurs, on s'est rendu compte également que les sujets sont paralysés. Nous sommes paralysés pendant cette période et nos yeux bougent. Et ce qu'a pu décrypter Jouvet et beaucoup d'autres, c'est pas le seul, mais c'est qu'en fait, vos yeux qui bougent pendant le sommeil paradoxal, vos yeux reflètent ce que vous êtes en train de voir dans votre scène onirique. Donc, vous voyez, là, quand on se parle, mes yeux bougent sans cesse, les vôtres aussi. Eh bien, ce qu'on voit dans les regards d'un rêveur, c'est son exploration de la scène vécue onirique. Et pour aller plus loin, ce que Jouvet a fait comme une immense découverte, c'est qu'il s'est dit, les gens sont paralysés. Trouvons la structure cérébrale qui paralyse le corps. Et il a découvert dans le tronc cérébral une structure qui est juste en dessous de noyaux. Il y a un jargon anatomique, les locus ceruleus, en dessous, avec deux neurotransmetteurs, il y a la sérotonine, il y a la glycine. Il a découvert la structure qui, d'après lui, paralyse en fait votre motricité. Ce qui voudrait dire que quand vous faites un rêve, vous êtes animé, en train de courir, en train de vous battre, etc., mais vous ne manifestez pas de manière motrice ces actions parce que ces actions qui viennent de votre cortex seraient paralysées dans le tronc cérébral. Chez un chat, chez plusieurs chats, il a détruit ces petits noyaux et il a observé ces données historiques de rêves de chats agis. Donc si vous voyez les films de fin des années 50 de Labo de Jouvet, vous voyez des... Alors les rêves de chats, c'est quoi? C'est de la chasse, c'est du léchage, c'est de l'alimentation, c'est de la sexualité. Mmh. Et là où ça va nous intéresser, deux points, c'est que comme vous voyez le rêve agit, à ce moment-là, il n'y a plus de distance avec le récit. Parce qu'on se disait souvent, peut-être que quand vous réveillez quelqu'un, vous lui dites à quoi tu rêvais, peut-être que son récit est le produit de ce qu'il est en train de vivre une fois éveillé, qu'il n'a pas vraiment rêvé ça. Le fait de voir l'action d'un rêve, ça change complètement la donne. Et on va voir tout à l'heure avec Valérie que cette découverte, elle a des conséquences très profondes, parce qu'il y a des maladies neurologiques qui vont pouvoir produire l'équivalent de ce qu'on voyait dans les chats de Jouvet, c'est-à-dire des patients qui, pendant les phases de sommeil paradoxal, se mettent à agir leurs rêves. Donc grâce au chat, la science a avancé. C'est pas le seul exemple de transmission. Alors ouais. Une fois de plus, on pourra en parler ce soir. Il y a une éthique à avoir dans la recherche animale, évidemment. Et les années 60, c'est pas les années 2010. Mais donc, il n'est pas incompatible de développer une éthique de la recherche, mais aussi d'avoir conscience de tout ce dont les traitements ou les connaissances actuelles sont redevables aux espèces animales qui ont été utilisées pour ces recherches-là, absolument. Alors Lionel, une question toute simple, mais évidemment elle est essentielle au cœur de ce dossier sommeil. Ça sert à quoi de dormir, tout simplement? Est-ce qu'on connaît vraiment... toujours utilitaire, c'est savoir pour savoir. Les applications du sommeil... Alors les applications, Mathieu, d'abord, on ne sait pas, on a des hypothèses. Une des hypothèses importantes, c'est qu'évidemment la notion de récupération, et c'est juste du bon sens, hein, quand vous dormez pas, vous avez l'air fatigué, donc on se dit qu'il va se passer quelque chose de l'ordre de la récupération. Plus important, on l'a vu tout à l'heure pour le sommeil lent, la consolidation. Et pendant le sommeil lent, il y a un phénomène qu'on avait évoqué pour ceux d'entre vous qui étaient là sur la conférence sur la mémoire. Eh bien, une des très grandes découvertes des années 90-2000, c'est que pendant le sommeil à ondes lentes, vous savez qu'on a un GPS dans les hippocampes, un GPS qui permet de représenter l'espace dans lequel on navigue. Et ce GPS, son activité sert non seulement à savoir où vous êtes, mais à vous identifier spatialement quand vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Eh bien, pendant le sommeil profond, on a découvert par hasard qu'alors que vous êtes profondément endormi, votre GPS se rallume et rejoue vos trajectoires de la journée passée des centaines ou des milliers de fois. Et comme en plus, il faut pas bouger votre graisse, vos muscles, ça va très vite, c'est accéléré, comme un film accéléré fois 100. Et ce qu'on a découvert, c'est que ces phases de replay, de rejouer, jouent un rôle fondamental non seulement pour vous souvenir des trajectoires que vous avez empruntées la veille, mais aussi et surtout pour vous souvenir de ce que vous avez vécu la veille. Donc une des fonctions du sommeil, la mémoire. Ouais, mais la mémoire des lieux, donc en particulier. Pas uniquement la mémoire des lieux. Déplacements. Non, c'est aussi la mémoire de ce que vous avez vécu quand vous étiez dans ces lieux. Autrement dit, c'est la mémoire des épisodes de votre vie. Et donc, il y a une conséquence, par exemple, dans l'éducation en général, mais pour tout le monde. Si vous dormez mal, vous aurez du mal à mémoriser quoi que ce soit, un apprentissage, une connaissance, une expérience vécue. Donc, la récupération, la consolidation de la mémoire. Il y a également la créativité. Il y a des phénomènes de créativité dont on aura l'occasion de reparler. Et puis, peut-être un mot, si on a encore le temps. Vous savez qu'un des thèmes culturels les plus anciens, et vous pouvez trouver ce livre de Calderón, qui est du XVIIe siècle, espagnol, qui s'appelle « La vie est un songe », et qui repose de manière narrative, dans une sorte de tragédie, la question suivante. Comment savoir, Mathieu, si ce que nous sommes en train de vivre, vous et moi, c'est un rêve de quelqu'un d'autre, peut-être d'ailleurs que nous, ou c'est notre vie? Est-ce que nous sommes éveillés ou est-ce que nous rêvons? Face à cette immense question à laquelle on n'a pas de réponse, on a des éléments de réponse. Je vous en donne un ou deux pour vous donner des recherches contemporaines sur le rêve. Si pendant que nous discutons ce soir avec vous, je discute avec Mathieu, et dans 5 secondes, Mathieu se transforme en jeune femme, et que cet amphithéâtre se transforme en bord de mer, eh bien, dans la vraie vie, comme ce soir, et c'est pour ça que je sais que je ne rêve pas, je me dis, il y a un truc. Il y a eu... Radio France a des moyens d'effets spéciaux considérables. Il y a quelque chose. Mais la nuit, quand vous vivez la même chose... Et j'ai pris cet exemple parce qu'un des phénomènes auxquels nous sommes exposés durant la nuit, c'est que dans nos rêves, on n'a aucun problème à accepter des changements d'identité d'un individu ou des changements de lieu. Ça survient quasiment chez tous les rêveurs. Et ça, ça ne suscite pas chez nous, en tant que rêveurs, dans notre état de conscience de rêveur, de surprise ou de doute ou de scepticisme, sauf dans des cas particuliers. Et donc, une des différences, c'est qu'on n'a pas le même esprit critique quand on rêve et quand on est éveillé, et on commence à mieux comprendre ça parce que je vous ai dit que pendant le rêve, le cortex est éveillé. Mais il y a des régions du cortex, notamment en avant de la tête, le cortex préfrontal, qui sont néanmoins pas si éveillés que ça. Donc on commence, un des objectifs des chercheurs sur le rêve, dont je ne suis pas, mais en cherchant sur la conscience, évidemment les travaux du rêve m'intéressent, c'est de comprendre comment dans un rêve, on accepte de tenir pour argent comptant des choses qu'on critiquerait aisément. Et là, il y a toute une piste de travaux, je donne un dernier exemple. On a des collègues, Schwartz et Maquet, qui ont proposé cette chose-là. Sans faire d'IRM au début, simplement en écoutant des récits de rêveurs. Je vous ai donné l'exemple de ce qu'on appelle ça en neuropsychologie le syndrome de Fregoli. Fregoli, c'était un grand transformiste, un illusionniste qui était italien, qui a vécu à Paris fin 19e, à l'Olympia, il se produisait, etc. Et au cours d'une soirée, il prenait l'apparence de 100 personnages différents. D'accord ? Donc ce qu'on appelle le Fregoli en neuropsychologie, c'est pas cette référence culturelle sympathique, c'est un patient qui vous dit il y a 100 personnes différentes, mais ce sont toutes les mêmes. Eh bien, dans le rêve, on est souvent en proie à un certain nombre de Fregoli. Eh bien, un des points, Schwartz et Maquet proposent que pendant le sommeil, nos régions cérébrales, l'une après l'autre, nos régions, passent en jachère. Pendant qu'un réseau, par exemple, de l'identification des visages passe en jachère, marche un peu moins bien, vous vous transformez pendant cette durée en un patient neuropsychologique qui a un certain nombre de Fregoli. Donc, l'idée explorée, c'est une hypothèse intéressante, c'est que peut-être que la variété des états dans lesquels nous sommes quand nous rêvons reflèterait des sortes de patients virtuels que nous sommes, au cours de cette mise en jachère dynamique et mouvante des différents réseaux cérébraux. On peut parler d'ailleurs aujourd'hui d'une vraie science du rêve, Lionel. Ah oui, il y a une science du rêve, et d'ailleurs, du coup, il y a des congrès sur le rêve, il y a des journaux sur le rêve, il y a des crédits de recherche sur le rêve, donc tous les marqueurs objectifs sont là. On peut parler d'une science du rêve. Ouais. Ouais. On a déjà vu des rêves véritablement, ou ça c'est encore un graal qu'on n'a pas pu atteindre. Ben, c'est un. Ce serait extraordinaire de pouvoir avoir le film d'un rêve. Le film d'un rêve. On commence. Il y a c'est des comme éléments. L'image du trou noir quasiment. Hein. C'est quelque chose. Vrai. Alors on peut dire déjà que par l'aspect moteur, on a déjà la sortie motrice d'un rêve, de voir déjà une. C'est quand même assez fascinant. On en parlera tout à l'heure avec Valérie, de voir des rêves agis par des rêveurs. Et de savoir qu'à un moment donné, je me souviens d'un patient qui était colonel et qui passait son bataillon qui passait devant chaque soldat, etc. Qui avait les gestes, il marche pas en vrai, hein, mais dans son lit avec les mains, etc. Avec la tête, ou bien quelqu'un qui fume une cigarette virtuelle. Donc ça déjà. Alors ensuite, ce que vous dites, c'est plus difficile, mais il y a des éléments de plus en plus probants, c'est de rentrer cette fois-ci dans la mécanique interne des représentations cérébrales. Autrement dit, si vous savez identifier un réseau de perception d'un visage, est-ce que vous pouvez faire le pari ? Faire le pari, pour nous, ça veut dire être meilleur que le hasard, même si c'est que de 1%, pour dire si on arrive à, non pas à décoder vraiment un rêve, mais à savoir si à ce moment-là, le contenu mental du rêveur, c'est plutôt un bâtiment, c'est plutôt un visage. Donc c'est une voie de recherche, absolument. Le rêve, on le voit, tout à l'heure, je l'ai juste rapidement mentionné, parce que je savais qu'on allait pouvoir en parler ensemble, mais joue un rôle important dans la créativité. Voilà, maintenant celui que nous allons accueillir mène des recherches dans une discipline qui s'appelle la chronobiologie. Alors vous en avez peut-être entendu parler, c'est une science donc du sommeil qui essaie de comprendre en particulier notre horloge interne. Je vous demande de l'accueillir, c'est le chercheur Claude Gronfier. Voilà, bonsoir Claude. Bonsoir Claude. Voilà, Claude Gronfier, neurobiologiste et spécialiste des rythmes biologiques et du sommeil à l'INSERM de Lyon, dans ce nouveau centre de recherche en neurosciences d'ailleurs, qui est ouvert il n'y a pas très longtemps. Alors qu'est-ce que c'est exactement que la chronobiologie ? On va voir que ça nous concerne alors là tous les jours aussi. Alors la chronobiologie, c'est l'étude des rythmes biologiques. Et alors, on a déjà évoqué un tout petit peu la rythmicité du sommeil. Le sommeil survient la nuit. Et pourquoi la nuit et pas le jour? Parce qu'on est des animaux diurnes. Et notre environnement va permettre à notre horloge biologique, finalement, de faire émerger le sommeil pendant la nuit et pas pendant le jour. Certains individus vont avoir des troubles de l'horloge et vont avoir beaucoup de mal à dormir la nuit. On va en parler tout à l'heure, j'imagine, avec Valérie. Ils vont avoir des insomnies. D'autres vont chercher à dormir le matin, par exemple, ceux qui travaillent la nuit. Ils n'y arriveront pas parce que leur horloge, eh bien, elle va continuer chez ces travailleurs de nuit à préparer l'organisme au sommeil nocturne et non pas au sommeil diurne. Ouais. Alors, cette horloge, évidemment, elle est extrêmement précieuse. Est-ce que d'abord, nous n'en possédons qu'une ou est-ce que, au contraire, notre organisme est parsemé d'horloges absolument partout? Alors, initialement, quand on a découvert la rythmicité biologique, dans les années 70, on a pensé que l'horloge biologique était unique et que finalement c'est elle qui expliquait tous ces rythmes qu'on observe dans l'organisme. Le sommeil, on vient d'en parler, la température qui est rythmique, l'activité motrice, on est évidemment actif pendant la journée, pas pendant la nuit. Et puis ce qu'on a découvert dans les années 2000, ça a commencé dans les années 95 à 2000, eh bien c'est qu'il existe une multitude d'horloges. Et il faut vraiment maintenant considérer que quand on parle de l'horloge biologique, on parle de l'ensemble de ces horloges. Mais elles sont où alors ces horloges? Eh bien, elles sont partout. Les premières ont été découvertes dans le foie, dans le rein, dans le muscle. Alors la première initialement, c'est dans le cerveau aussi. Quand on reprend le cerveau qu'a montré tout à l'heure Lionel, eh bien vous coupez le cerveau comme une pomme en quatre et à peu près au centre, pas tout à fait, mais à peu près au centre, eh bien c'est là qu'est le lieu de l'horloge biologique centrale, maîtresse, parce que c'est elle qui va gouverner les autres horloges. Et puis on a découvert ensuite dans le foie, le cœur, le poumon, le rein, dans la rétine. Et en fait, on pense qu'il y en a virtuellement partout des horloges. Et donc, on considère finalement que notre horloge biologique centrale, elle va permettre la synchronisation de cette multitude d'horloges et finalement permettre à toutes nos cellules, on considère qu'on a peut-être environ 30 000 milliards de cellules dans l'organisme, eh bien, toutes nos cellules, finalement, sont sous la dépendance de ces mécanismes horloges qui leur permettent finalement d'exprimer leurs fonctions au bon moment de la journée. Alors Claude, qu'est-ce qu'on voit exactement derrière nous pour décrire ce thème de l'horloge biologique? Eh bien voilà, ça c'est la pomme. Quand on la coupe seulement en deux, vous voyez ici cette tranche. Quand on fait cette tranche là, eh bien on voit apparaître cette image là. Et vous voyez juste ici, ça c'est ce qu'on appelle le chiasma optique. Vous savez, le chiasma optique, c'est la zone où nos deux nerfs se croisent. Les deux nerfs optiques qui proviennent des yeux, de la rétine, eh bien, ils vont se croiser pour aller informer le cerveau, l'arrière du cerveau, le cortex occipital. Eh bien, juste au-dessus de ce croisement-là, eh bien, on trouve les noyaux suprachiasmatiques. On les a appelés suprachiasmatiques parce qu'ils sont juste au-dessus du chiasma optique. Et ces deux petites structures-là, eh bien, ce sont ces centres, finalement, qui contrôlent la rythmicité de l'ensemble de l'organisme. Ouais. Mais alors, toutes ces horloges, elles arrivent à se synchroniser entre elles et à fonctionner exactement de la même manière ou alors, pas? C'est ça qui est passionnant, parce qu'on ne sait toujours pas comment elles arrivent à se synchroniser exactement. Il y a un ensemble de mécanismes, vraisemblablement, qui sont impliqués. Il existe des messagers hormonaux. La mélatonine, vraisemblablement, est une hormone qui est contrôlée par l'horloge centrale. Et cette mélatonine, qui est libérée dans l'organisme, dans le sang, finalement, eh bien, va aller informer les horloges qui sont périphériques. Il y a d'autres liens, il y a des liens neuronaux, il y a des neurones qui permettent d'aller synchroniser des horloges aussi dans le cerveau. Il y a d'autres horloges dans le cerveau que cette horloge, ouais, du noyau suprachiasmatique. Alors, Claude Gonfier, le passage à l'heure d'été, là, tout à fait récemment, qui fait râler tout le monde chaque année, et même deux fois par an, qu'est-ce que ça donne, justement, sur notre horloge biologique? Eh bien, ça donne pas de bonnes choses. Et pourquoi? Parce que pour avancer l'horloge biologique, eh bien, il va falloir un ensemble de mécanismes, une exposition à la lumière à certains moments du jour et de la nuit, particulièrement le matin. Et qu'est-ce qui se passe après ce changement d'heure? Eh bien, on doit avancer l'horloge, mais en grande majorité, dans la population humaine, l'horloge biologique a tendance à prendre un peu son temps. Elle est un peu longue, un peu lente. La périodicité de l'horloge biologique, en moyenne dans la population humaine, on le croit, elle est de 24 heures et 10 minutes. Et donc, en moyenne, nos horloges, elles ont tendance à prendre du retard. C'est aussi ce qui explique pourquoi on a tendance à se coucher tard. Suite à ce changement d'heure où on doit avancer notre horloge biologique, eh bien, on va avoir du mal parce que notre horloge, spontanément, a tendance à prendre du retard. Donc, le chronobiologiste est plutôt contre les changements d'heure? Absolument. Ouais. La plupart des chronobiologistes sont contre le changement d'heure. Et, par exemple, après ce passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été, on a observé qu'il y avait une augmentation des accidents cardiovasculaires, infarctus du myocarde et AVC. On a observé plus de troubles métaboliques qui surviennent généralement dans les quelques semaines qui suivent ce changement d'heure. Plus de dépression et d'anxiété aussi. Quand on regarde aussi ce qui se passe dans des pays qui comportent plusieurs latitudes, comme les États-Unis, eh bien, on observe que dès lors qu'on s'éloigne un petit peu de la partie droite du fuseau horaire, eh bien, on va avoir plus de troubles. C'est exactement le même phénomène qui se produit avec ce changement d'heure. C'est fou quand même, Lionel, hein, parce que c'est des sociétés entières à travers le monde, finalement, qui subissent ces changements biannuels qui sont assez délétères pour la santé. Il y a à la fois cet aspect délétère que Claude vient de rappeler, c'est très important. Et par ailleurs, le domaine dans lequel vous travaillez est essentiel à plusieurs égards. D'abord, ça fait partie des domaines qui nous permettent de bien prendre conscience du fait que notre cerveau il fonctionne pas dans une tour d'ivoire, mais que ses propres rythmes sont aussi en relation avec les rythmes de d'autres, des autres organes du corps. Ce qu'on appelle une sorte de cognition incarnée, de dire en fait on n'est pas juste un pur cerveau dans une boîte, et ces rythmes, comme vous l'avez dit, il n'y en a pas un, il y en a plein. Et en plus, c'est pas seulement un cerveau dans un corps, mais on est branché sur les rythmes, la lumière extérieure, mais sur les rythmes qui sont autour de nous. Donc c'est un lien, cette notion de chronobiologie permet de comprendre les liens qui nous unissent, nous, comme cerveau, si on veut parler de ça, avec notre corps, avec le reste de la société. Et il y a des conséquences médicales. Par exemple, la chronobiologie est utilisée pour adapter les posologies, les schémas thérapeutiques dans différents traitements, pour vraiment se mettre en phase avec certains rythmes pertinents pour un traitement, par exemple, pour tel organe ou pour tel type d'affection. Donc c'est un domaine extrêmement vaste dans lequel Claude Gonfier travaille. Alors, on doit d'ailleurs votre science à un homme en particulier, un Français, Michel Siff, qui a mené une expérience fondatrice dans les années 60, je crois que c'est en 1962, dans un gouffre à la frontière italienne. Racontez-nous un petit peu l'expérience en quelques mots, Claude, et puis ensuite on va voir des images de sa sortie du gouffre après 2 mois dans l'obscurité. Alors, Michel Siff était un homme passionné, il était spéléologue. Et jeune homme, il avait, je crois, environ 25 ans quand il a fait cette première expérience début des années 60, il voulait vivre une condition exceptionnelle qui était la condition hors du temps. Il se demandait comment mon organisme va réagir quand je serai dans une situation dans laquelle je n'ai plus accès à l'heure. Et donc il est descendu dans cette grotte, il y a passé 62 jours la première fois, 100 mètres sous terre, 0 degré, donc il faut imaginer le courage de Michel Siffre. Et il s'était entouré d'une équipe de scientifiques et il leur avait dit, voilà, vous restez à la surface. À chaque fois que j'irai me coucher, je vous téléphonerai pour que vous puissiez noter l'heure. Et quand je me lèverai, quand je me réveillerai, eh bien, je vous téléphonerai à nouveau et vous noterez l'heure. L'expérience a pu montrer que, eh bien, Michel Siffre, lorsqu'il n'avait plus connaissance de l'heure, et surtout qu'il n'était plus exposé à un rythme lumière-obscurité régulier de 24 heures, celui auquel on est exposé dans la vraie vie, eh bien, l'horloge biologique n'est pas synchronisée aux 24 heures, et le sommeil, eh bien, prend du retard. Le sommeil de Michel Siffre a pris du retard progressivement, 30 minutes en moyenne par jour. Ouais. Ce qui fait qu'à la fin de son expérience, il était totalement désynchronisé. Et on va le voir donc à la sortie de ce gouffre, et vous allez voir que les images sont assez impressionnantes. Mais retournons vers Margareis pour aller accueillir Michel Siffre, qui doit sortir aujourd'hui, 17 septembre. Il vient de séjourner seul, 2 mois, à 130 mètres sous terre. Michel Siffre a réussi. Siffre, épuisé par son séjour souterrain, n'avait plus la force de monter lui-même les échelles. Il a fallu lui passer un harnais, le tirer, le haler jusqu'au soleil. Ce soleil qu'il n'avait pas vu depuis 2 mois. Michel Siffre a froid. Tiens, je tremble. Qu'est-ce qui se passe? La seconde partie, ça a été affreux, quoi. Affreux parce que j'ai cru y laisser, quoi. J'ai cru y rester. Et puis, c'était comme les éboulements, quoi. Ça me prenait au ventre. Hein. Vous avez eu peur? Peur, ça se compare pas. Peur, c'est affreux, quoi, la peur. La peur, je commence à en être saturé, la peur, maintenant. Hein, pendant que je vais me calmer un peu quelques mois. Hein. Voilà, Michel Siffre en 1962. Expérience très importante pour la science, parce que c'est grâce à lui qu'on a compris finalement cette régularité de 24 heures du. C'est ça, c'est de l'horloge. Ça fait partie des quelques expériences qui ont permis de voir que dans des situations où on n'est pas exposé à la lumière de manière régulière, eh bien, notre horloge biologique prend le relais, elle prend le dessus en quelque sorte, elle exprime sa propre vitesse. Et si on est un couche-tard-lève-tard, eh bien le rythme veille-sommeil va se retarder. Si on est au contraire un couche-tôt-lève-tôt, le rythme veille-sommeil va s'avancer progressivement. Ouais, donc il y a ces fameux rythmes circadiens, oui, hein, c'est absolument ça dont il s'agit, Lionel. Oui, tout à fait. Et puis ça illustre bien aussi quelque chose, c'est qu'en science, quand on arrive à faire de la science utile, on est souvent dans des situations extrêmes. Alors ça, soit c'est une situation extrême intellectuelle dans un laboratoire tranquille, soit dans une grotte. Ça veut dire, mais à chaque fois derrière, il y a posé une question. Et certaines comme celle-ci, c'est de se dire. Mais qu'est-ce qui se passe si je me déconnecte du temps? Et c'est donc grâce à lui que vous êtes chronobiologiste, Claude Gonfier, justement. Absolument. On lui doit vraiment cette discipline. Il y a eu un prix Nobel aussi, hein, Lionel, pour les rythmes circadiens, il y a très peu de temps. Ou très peu de temps. Ouais. 2017 exactement. C'est une équipe américaine, je crois, qui a été récompensée pour cela. Sur les mécanismes exacts, hein, c'est ça ? C'est ça, sur les gènes, ce qu'on appelle maintenant les gènes horloges. C'est eux qui les ont découverts. Ouais. Alors, évidemment, on parle beaucoup de la dette de sommeil. Il y a eu une étude assez récente qui a montré que les Français dormaient de moins en moins. La barre est même passée en dessous des 7 heures. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle, si l'on en juge par les effets, justement, du manque de sommeil, Claude Gronfier. Hein. C'est quelque chose qui doit vous inquiéter, d'ailleurs, de voir que nous dormons moins, au fond. Voilà, c'est très inquiétant. On dort moins, et semble-t-il, on dort de moins en moins. Et aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. C'est-à-dire que on sait maintenant que le sommeil est évidemment crucial pour la régulation d'un ensemble de mécanismes. Lionel en a très bien parlé tout à l'heure. On sait aussi que, outre les aspects, on va dire, cérébraux, de consolidation de la mémoire, etc., on sait maintenant que le sommeil est impliqué dans le métabolisme, il est impliqué dans l'immunité, il est impliqué dans la division cellulaire. Et donc, c'est évidemment très, très inquiétant de voir qu'on dort de moins en moins. Selon certaines études, alors elles sont toujours un petit peu controversées, mais on aurait perdu entre une heure et une heure et demie de sommeil au cours des 100 dernières années. Ça veut dire que, à l'échelle du développement de l'organisme, à l'échelle de la génétique, on n'a pas encore pu s'adapter finalement à cette dette de sommeil. Peut-être que dans une centaine ou 200 ans, on arrivera finalement à dormir peu et à être en bonne santé. Ouais. Mais là, à l'heure actuelle, la dette de sommeil qui s'est développée au cours des 100 dernières années, n'a pas pu conduire un mécanisme adaptatif qui permet de lutter contre les effets délétères de cette dette de sommeil. Ouais, justement, du point de vue de l'évolution, Lionel, est-ce qu'on peut s'attendre finalement à ce qu'il y ait une adaptation sur ces nouveaux modes de vie, sur notre organe cerveau là qui... Disons que sur des échelles très longues, sur des échelles très longues, la réponse est certainement oui. Mais ce qui nous occupe là tous, c'est des échelles plus courtes, et que souvent c'est plutôt des stratégies de correction de ces dettes de sommeil ou de ces mauvaises adaptations. Moi, ça me faisait penser aussi à une étude récente clinique, mais qui, d'après moi, a un impact important, qui venait, si je me souviens bien, une équipe néerlandaise qui étudiait en fait des troubles du sommeil chez des patients âgés et des patients dont beaucoup souffraient de maladies neurologiques, neurodégénératives, donc dans l'équivalent d'une EHPAD aux Pays-Bas, et qui s'était rendu compte que simplement en prenant avec du bon sens, augmenter la luminosité pendant les périodes de journée et diminuer donc essayer de restaurer, en fait, essayer de resynchroniser, comme Claude le disait, l'horloge interne un peu perturbée par cette maladie par un signal externe, permettait de diminuer la prescription de psychotropes type somnifères, benzodiazépines, etc., de 30-40%, un truc monstrueux. Donc il y a, plutôt que d'attendre les effets de la génétique, je pense qu'on peut, grâce aux découvertes de Claude Gronfier et ses collègues, d'adapter les stratégies de prise en charge chez les patients, mais aussi chez tout le monde, pour arriver à optimiser, justement, à récupérer, à protéger ce sommeil qui est si précieux. Oui. Voilà. Comment on calcule notre dette de sommeil ? Alors, comment est-ce qu'on peut savoir, ici dans la salle, et puis tous ceux qui nous suivent partout en France, quelle est notre bonne durée de sommeil individuelle ? Parce qu'on n'est pas tous égaux non plus sur cette question. Alors non, on n'est pas tous égaux. Évidemment, il y a des petits dormeurs qui sont, alors on pense que ce sont des chanceux, c'est-à-dire des gens qui dorment 4 ou 5 heures par nuit. On pense même que notre président actuel est un petit dormeur. Et puis, il y a des grands dormeurs, et souvent, ils sont moins à l'aise parce qu'ils n'osent pas nous dire combien d'heures ils dorment, et eux ont besoin de 9 heures ou 10 heures de sommeil. Les gens dorment en moyenne aux environs de 8 heures par nuit. En semaine, ce qui avait été montré par l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, qui tous les ans fait une enquête, en semaine, les Français dorment un peu moins de 7 heures, comme vous l'avez dit, Mathieu, oui. Alors que pendant le week-end, ils dorment environ 8 heures. Donc ça donne une petite idée du fait qu'en moyenne, la population est vraisemblablement en dette de sommeil d'une heure par nuit. Ouais. Alors cette dette de sommeil, donc c'est important de pouvoir la calculer, hein, puisqu'on voit effectivement les effets délétères du sommeil. Et on peut peut-être quand même insister là-dessus, parce que il y a beaucoup de choses quand même qui découlent aussi d'un sommeil important. Le système immunitaire, par exemple, Lionel, il est plus solide justement quand nous dormons. Oui, c'est ce que Claude rappelait. Il y a évidemment, vraiment, c'est cette découverte majeure, je pense, que de cette multiplicité des rythmes. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, chaque groupe de cellules dans le corps a son rythme. Oui. Elle va pas l'imposer, mais elle va entrer en résonance avec les rythmes de ses voisins, des autres organes. Et cette construction complexe, cette horloge complexe, ces horloges, en fait, effectivement, elles sont précieuses, il faut les protéger. Alors voilà, ensuite, ça peut conduire à des décisions démagogiques, vive la sieste. Oui. Voilà, mais je pense qu'il faut prendre très au sérieux le sommeil. Mais parlons de la sieste, d'ailleurs, ça nous intéresse voilà. Absolument, Claude Gronfier. Parce qu'évidemment, ça fait toujours sourire, surtout dans nos cultures où c'est assez mal vu de faire la sieste. Et pourtant, on nous conseille de pouvoir le faire, justement. Alors oui, la sieste, on devrait tous avoir la possibilité de faire la sieste. Et surtout, on devrait tous se dire que la sieste, c'est quelque chose de bien. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est souvent mal vu dans nos cultures. Ça n'est pas mal vu du tout dès qu'on descend en Espagne, au Portugal ou dans les pays plus au sud. Parce que C'est mal vu parce qu'on a la sensation encore de nos jours, et j'espère que la conférence aujourd'hui va participer à la diffusion de cette information. Le sommeil est très important. Quand on a la sensation qu'on a besoin de faire une sieste, c'est parce qu'en général, on est en dette de sommeil et qu'on n'a pas suffisamment dormi la nuit. Donc on va recommander effectivement de faire une sieste pour compenser finalement cette dette de sommeil. La durée à peu près idéale, ce serait quoi alors? Alors ça, c'est une question importante. La durée idéale, ça n'est pas une durée longue. C'est entre 20 et 30 minutes maximum. Mmh. Et pourquoi? Parce que si on fait une sieste plus longue, on va entrer dans les stades de sommeil que décrivait Lionel tout à l'heure, c'est-à-dire du sommeil lent, profond, duquel il est difficile de sortir, d'émerger en étant en forme. Généralement, les gens qui font des siestes longues, 45 minutes, 1 heure ou 2 heures, quand ils sortent, ils sont moins à l'aise qu'avant de dormir. Ouais. Donc ces gens-là, généralement, ne font pas la sieste. Il faut faire des siestes courtes. Et pas trop tard non plus, ça c'est important pour la bonne synchronisation de l'horloge, c'est des siestes qui sont généralement en début d'après-midi, pas trop tard. Pourquoi? Parce que si on va se coucher trop tard, qu'on fait une sieste trop tardivement, on aura beaucoup de mal à s'endormir le soir qui va suivre. Donc là, on risque de créer un décalage finalement du sommeil, et ce sera négatif. Alors Claude, je pense qu'il faut préparer psychologiquement la salle et nos amis également dans les salles de cinéma, parce qu'on va lâcher probablement l'information la plus impopulaire de la soirée, parce qu'une étude scientifique récente, on en a parlé d'ailleurs sur France Inter cette semaine, indique que la grasse matinée ne sert à rien et que pire, elle est mauvaise pour la santé. Bam! C'est vrai que ça, c'est assez terrible. Dit comme ça, c'est en effet assez terrible. Non, mais c'est vrai. C'est ce que l'étude a montré. Ouais. C'est ce que l'étude a montré. C'est ce que l'étude a montré. Ouais. Voilà. C'est l'étude. Ils sont sérieux, ces chercheurs, là, ou pas? Ils sont très sérieux. Ouais. Ils sont très sérieux. Ce sont des gens très bien. C'est le groupe de Ken Wright. Non, ils ont publié dans une grande revue. Hein. Grande revue, Current Biology. Ken Wright à Boulder, dans le Colorado. Il a effectivement fait une étude dans laquelle il a voulu tester l'idée que quand on dort peu pendant la semaine, eh bien, qu'est-ce qui se passe si on dort peu à nouveau pendant le week-end qui suit? Et il a comparé ça avec, on ne va pas dormir peu pendant le week-end, mais on va dormir beaucoup. Et donc, il avait un groupe de sujets qui dormaient 5 heures pendant la semaine et pendant le week-end, et un groupe de sujets qui dormaient 5 heures pendant la semaine et ad libitum, c'est-à-dire à satiété, pendant le week-end. Ah, ça, c'est bien. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a vu? Donc, c'est bien. Ça semble évidemment une bonne idée, parce qu'on se dit, bon, c'est mieux de dormir. Ouais. Et ce qu'il a observé, c'est que c'est pas une bonne idée du tout si on regarde le métabolisme. Et il a observé que certains mécanismes métaboliques, la résistance à l'insuline, les troubles du métabolisme des sucres en particulier, eh bien, sont très altérés quand on dort plus le week-end. Alors, il faut prendre ça avec des pincettes, parce que il a utilisé un groupe d'individus qui dormaient seulement 5 heures par nuit. Donc, ça, c'est une dette de sommeil tout à fait extrême. Dans la vraie vie, si on prenait un groupe de gens qui dort 7 heures pendant la semaine et qui dort 8 heures pendant le week-end, vraisemblablement, on n'aurait pas ce résultat. Ouais. Mais en tout cas, ça montre que ça n'est pas aussi simple que ça. Donc, il y a des effets sur le métabolisme, mais l'étude n'a étudié que ça, d'ailleurs. Hein. Elle mériterait d'être réitérée avec d'autres critères. Hein. Voilà, par exemple, l'humeur, la cognition. Mmh. Vraisemblablement, les résultats pourraient être en tout cas différents. Et est-ce qu'en vécu subjectif, les gens avaient l'impression de bénéficier de ce... Un peu comme Mathieu. Exactement. Alors, c'est effectivement ça. C'est un point important. C'est si on dort un peu plus, en général, on se sent mieux. Mmh. Et donc, il pourrait y avoir un découplage finalement entre ce ressenti subjectif. On se sent bien. Pour autant, l'organisme, lui, il a été entre guillemets endommagé. Il y a eu un problème qui a été créé. Ouais. Donc, c'est effectivement important. Voilà. Donc, faites la grasse mat. Hein, vous inquiétez pas. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Claude Gronfier, on va regarder une petite vidéo pour voir l'importance de la lumière dans le sommeil, parce que ça aussi c'est un point qu'on a peu abordé pour l'instant, et vous allez la commenter, puisqu'il n'y a pas de son dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit un personnage, on peut l'envoyer à côté de la fenêtre. Voilà, on voit un personnage, on voit la lumière, le soleil se lève, ce personnage a les yeux fermés. Voilà, il ouvre les yeux, il se tourne vers la lumière. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, les photons lumineux vont venir éclairer son visage. Ils vont pénétrer dans l'œil par la pupille, cette petite ouverture. Ils vont aller activer la rétine qui contient les cellules sensibles à la lumière. Cette rétine qui est activée va transmettre un message le long du nerf optique dont on a parlé tout à l'heure. Et puis ce message va se propager vers des zones visuelles, mais aussi au niveau de ce noyau suprachiasmatique. On voit les petites fibres qui sont juste en dessous de cette structure jaune. Ce sont les deux zones du noyau suprachiasmatique, l'horloge biologique. À l'intérieur de ces noyaux suprachiasmatiques se trouvent des cellules. Ici, on voit un ensemble de neurones, donc des cellules nerveuses. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit un rythme d'activité de ces neurones. Il y a une sorte d'oscillation qu'on voit apparaître. C'est parce que chacun des neurones de notre noyau suprachiasmatique possède sa propre vitesse, sa propre activité rythmique qui repose, comme je le mentionnais tout à l'heure, sur des gènes horloges qui effectuent leur boucle à peu près en 24 heures. Et ce qui est passionnant, c'est que ces neurones vont réussir à se synchroniser entre eux. Ouais. Et la lumière, c'est absolument indispensable dans tout ce fonctionnement, hein, oui, Lionel. Hein. Dans ce système-là, c'est vraiment le drive, vraiment l'agent dont les variations vont guider ces variations du noyau suprachiasmatique et qui va du coup entraîner avec une interaction avec une autre structure qu'on appelle l'épiphyse, la glande pinale, cette synthèse de mélatonine qui va du coup donner ce que Claude rappelait, le rythme principal qui vient du cerveau mais drivé par la lumière. Et quand il n'y a pas de lumière, eh bien ce système-là est sur son rythme interne. En fait. Alors justement, Claude Gonfier, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il faut dormir dans l'obscurité la plus totale ou au contraire, est-ce qu'il faut laisser entrer la lumière dans la pièce? Ah, alors c'est pas une question si simple, elle apparaît très simple, mais elle est très compliquée en fait. Ce qu'on recommande à l'heure actuelle, c'est évidemment de dormir à l'obscurité la plus complète. Pourquoi ? Parce que il s'avère qu'on est extrêmement sensible à la lumière. Il y a une dizaine d'années, on pensait qu'il fallait des niveaux de lumière très élevés pour synchroniser l'horloge biologique, pour affecter nos fonctions non visuelles. Et il s'avère qu'avec quelques lux, un lux c'est une bougie qu'on tient à un mètre de l'œil dans le noir, avec quelques lux on arrive à activer l'horloge biologique et à activer des zones impliquées dans l'éveil. La lumière c'est l'éveil. L'obscurité, c'est le sommeil. Ouais. Donc, on recommande de dormir à l'obscurité et non pas en présence de lumière. Ouais. Mais si on dort dans l'obscurité, on ne verra pas la lumière du jour arriver, alors on ne verra pas la lumière du jour, mais en été, il vaut mieux ne pas voir la lumière du jour, parce que le soleil se lève à 4 heures du matin. Ouais. Donc, il vaudrait mieux ne pas être réveillé à 4 heures du matin. Très bien, c'est une bonne idée, effectivement, Claude Gonfier. Alors, on l'a compris, savoir bien gérer son sommeil, c'est un gage de bonne santé, évidemment, mais il y a des métiers vraiment où la gestion du sommeil est particulièrement cruciale. C'est le cas des skippers, évidemment, qui doivent pouvoir passer le plus longtemps possible à la barre de leur bateau, et donc gérer leur moment de sommeil avec précision. Et pour en parler, je vous demande d'accueillir la navigatrice Samantha Davis. Samantha Davis, parlez-nous alors de votre sommeil. Alors, quand on est justement skipper comme vous, c'est quelque chose qu'on travaille avec des scientifiques, par exemple, comme Claude Gonfier ou comme Lionel Nakache? Oui, énormément, parce que c'est lié directement avec la performance. Au contraire au mythe qu'on ne dort jamais, ceux qui performent arrivent à bien gérer le sommeil, parce que si on est trop en dette de sommeil, on fait les bêtises. Qui peut faire qu'on perde des milles ou au pire on mette notre vie en danger si vraiment on est trop en dette de sommeil, on est plus lucide. Moi j'ai appris sur moi-même avec d'autres professeurs à écouter les expériences des autres, comment gérer un peu de sommeil, combien d'heures que moi j'ai besoin en 24 heures, qui n'est pas pareil qu'à terre, pour rester performante, le minimum, le maximum, le temps que je peux me consacrer à dormir. Ouais. Des fois, je dors que 15 minutes à la fois. Donc, je vais mettre mon réveil pour 15 minutes. Et puis, une fois je suis un peu plus éloignée de la Terre, je me permets le luxe de dormir peut-être 45 minutes ou même une heure. Et le maximum, c'est une heure et demie à la fois. Mais vous arrivez à dormir profondément, 15 minutes, voire même à rêver? Ah ouais, ça il faut peut-être les experts ils répondent mieux que moi, mais c'est sûr que c'est pas le même sommeil qu'à terre, parce que c'est beaucoup plus animal, c'est un peu l'instinct de survie qui est toujours en veille, parce que je suis tout seul sur mon bateau qui avance vite, donc je suis un peu en phase avec mon bateau, qui fait que je dors un peu plus comme mon chat qui dort à la maison, et dès qu'il y a un bruit elle s'en va. Alors Lionel Nakache, ça c'est intéressant, parce qu'il y a toujours un état de vigilance même dans le sommeil. Oui, c'est très intéressant, à plus d'un titre, et même si cet échange pour vous il peut être utile, pour nous il est aussi très utile, parce qu'en fait dans des situations extrêmes comme celle dont vous êtes experte, ça peut nous apprendre beaucoup sur ces mécanismes de régulation des rythmes veille-sommeil. Par exemple, deux idées. La première, c'est que pendant très longtemps, on pensait qu'un cerveau endormi, c'était un cerveau déconnecté du monde extérieur. Et en fait, de plus en plus souvent, depuis à peu près une quinzaine d'années, on se rend compte qu'on peut enregistrer dans un cerveau endormi du traitement de l'information extérieure. Même dans des périodes de sommeil qu'on n'imaginait pas. Donc ce que vous venez de dire, c'est-à-dire « je suis endormi », mais il y a un signal qui va être intégré. Et comme c'est un signal qui, pour moi, est important, j'ai configuré mon espace mental de telle façon que, avant de m'endormir, ce signal-là, il doit être important, eh bien, on a la preuve que ce signal est traité. Une autre piste intéressante, j'imagine que vous croisez beaucoup de dauphins en mer, et la question qu'on a envie de vous poser, c'est si vous n'êtes pas vous-même un peu un dauphin, je m'explique, sous l'angle du sommeil, Vous savez, c'est classique, le dauphin dort d'un hémisphère, une alternance entre les deux. Une idée très en vogue chez les experts du sommeil, dont je ne suis pas, mais des collègues proches, c'est qu'en fait, vous vous souvenez tout à l'heure, quand on parlait du sommeil, du rêve, on dit peut-être qu'il y a des réseaux cérébraux en jachère qui sont pas au même moment. Donc une des idées maintenant vraiment extrêmement creusées, c'est peut-être que quand on dort, il n'y a pas nécessairement une homogénéité de tout notre cerveau qui est endormi. Peut-être qu'il y a différents patchwork du cerveau qui sont dans différents niveaux de sommeil. Alors dans un état extrême comme le vôtre, où c'est des durées très brèves, etc., peut-être que c'est une condition idéale pour tester cette hypothèse. Ça pourrait faire une expérience de voir si effectivement vous avez un cerveau de dauphin ou en jachère pendant que vous êtes... Je pense qu'il y a raison dans cette explication, parce qu'il y a des moments où on se réveille, parce qu'il y a un changement de bruit, vibration. Souvent, on ne sait pas ce que c'est. Parce que je pense qu'au moitié du cerveau, il dort encore. La tentation, c'est d'aller courir sur le pont, voyager tout de suite. Et moi, j'ai appris que il faut que mon cerveau qui est réveillé, il frappe à côté pour vérifier que l'autre il réveille avant que je vais faire une bêtise. Et il y a des skippers qui sont blessés comme ça. On peut se mettre en danger. Donc je me force. Si je me réveille et je sens un peu que j'avais bien dormi, je me force à attendre que les morceaux de cerveau ils se confirment entre eux avant que je fasse quelque chose. C'est sûr, vous êtes un dauphin, Samantha, oui. Claude Gronfier, ça c'est aussi intéressant pour un chronobiologiste de pouvoir observer ce qui se passe. Oui, c'est assez fabuleux. Je partage complètement ce que disait Lionel sur le fait qu'on apprend beaucoup quand on entend ce genre de reportage. Parce que une chose, moi, que ça m'évoque, c'est qu'en fait, au fil du temps, au fil de l'expérience que vous avez accumulée, vous avez appris à contrôler, à gérer votre sommeil, on va dire, à ressentir les premiers signes du sommeil, en profiter, vous vous dites, voilà, ça c'est une fenêtre, c'est l'opportunité de sommeil, il faut que je la prenne, parce qu'elle va peut-être pas pouvoir se représenter. Et donc, ça me permet de dire que, bon, déjà, vous êtes une experte en sommeil, beaucoup plus que nous-mêmes qui l'étudions, et surtout qu'il ne faut pas faire ça à la maison. Faut pas que les gens ici se disent, oulala, moi j'aimerais bien faire la même chose parce que ça me libérerait des journées de 20 heures. Faut pas faire ça à la maison parce que ça ne va pas marcher, ça va conduire aux dettes de sommeil dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Oui. Et je pense que... Vous n'y avez pas pensé, vous inquiétez pas, en même temps, Claude. Honnêtement, c'est pas possible de faire à la maison et c'est là où moi je découvre dans la course large, c'est des sensations incroyables. J'adore ça, mais j'ai l'adrénaline de la course, et je pense qu'il y a beaucoup d'hormones. Je ne connais pas leur nom, mais je dépasse mes propres limites de loin, run. C'est des sensations incroyables. On se rend compte que notre corps est capable de faire les choses incroyables, beaucoup plus performantes, ou plus douloureuses, parce que le manque de sommeil, c'est une torture aussi. Je ne serai jamais capable d'aller où je vais quand je suis en course sur mon bateau, et je pense que c'est grâce au l'effet de l'adrénaline, l'envie de gagner. Lionel, qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal? Oui, parce qu'en vous écoutant aussi, ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, pour aller dans le sens de Mathieu et de Claude, il ne faut pas le faire à la maison. Mais une des raisons, c'est qu'on ne peut pas le faire à la maison. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, c'est un peu l'anti-Michel Siffre. Ça veut dire que vous vous mettez dans une situation où votre organisme est sollicité par des rythmes qui n'existent pas dans la vie de tous les jours et qui ne sont pas l'absence de rythme de la grotte. Et que la raison pour laquelle vous y arrivez aussi, en dehors de votre talent personnel qui vous permet de le faire, c'est que vous vous mettez en situation d'être drivé par des rythmes qui ne sont pas les rythmes de la vie quotidienne. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec Claude, le fait qu'on ait cette plasticité, cette souplesse à pouvoir se synchroniser à des rythmes qui ne sont pas nos rythmes endogènes, ça explique peut-être en partie ce dépassement de soi qu'on peut avoir dans des situations extrêmes dans lesquelles on est confronté à des rythmes qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on peut malgré tout, quand on est... une experte comme vous, arriver à suivre ou apprendre à arriver à suivre. Merci beaucoup à tous les deux, Samantha Davis et Claude Gronfier qui étaient avec nous ce soir. Merci, à tout à l'heure. On va garder notre trouble. Voilà, Lionel, avant d'accueillir notre dernier invité, on voit ce problème de santé publique quand même, hein, qui est devenu la plainte de sommeil, parce qu'on peut parler de dette de sommeil, mais il y a une plainte de sommeil aussi. Hein. Et ça, les patients en témoignent énormément, bien sûr. Oui, à la fois, ils en témoignent énormément, et effectivement, il y a sans doute des facteurs à la fois d'environnement. Nos environnements sont changés, sont beaucoup plus bruyants, et puis de rythme de vie, comme on l'évoquait, qui rendent ça compliqué. Et puis, par ailleurs... sous un angle médical ou neurologique ou psychiatrique, souvent aussi le médecin doit aller lui-même à la recherche d'un éventuel problème de sommeil chez quelqu'un qui n'en a pas immédiatement conscience et qui ne le formule pas. Donc il arrive par exemple et c'est des bons scénarios de quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il s'inquiète pour sa mémoire, et vous découvrez que son problème de mémoire, ce n'est pas le début d'une maladie catastrophique, c'est un problème de sommeil qui peut être réglé. Donc je dirais que c'est les deux côtés. Les gens s'en plaignent beaucoup et presque pas assez. C'est-à-dire que parfois, c'est à vous de penser au sommeil là où le sommeil ne s'invite pas. Et on l'a vu tout à l'heure, des aspects immunitaires. Donc c'est un sujet central en bien-être et en médecine, bien sûr. Alors, les troubles du sommeil, on va en parler tout de suite avec notre prochain invité. Ils sont nombreux. On a envie, évidemment, de connaître les mécanismes. On est à la recherche également sur les pathologies. Et puis, les conseils concrets pour pouvoir y remédier. Et c'est ce que nous allons voir, donc, avec Valérie Cohen de Coq. Bonjour. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, Valérie. Voilà. Valérie Cochin de Coq, vous êtes neurologue à la clinique Beau Soleil de Montpellier, et docteur en neurosciences, et vous êtes rattaché à un laboratoire Euromov à Montpellier, c'est ça? Et ce soir, vous serez notre médecin du sommeil, puisque vous êtes confronté, évidemment, tous les jours à des patients. Qu'est-ce qui est le plus fréquent, finalement, aujourd'hui, dans les troubles du sommeil? En consultation de sommeil, aujourd'hui, le plus fréquent, c'est vraiment l'insomnie. Les gens qui viennent parce qu'ils se plaignent, d'avoir un sommeil qui leur semble insuffisant. Alors déjà, je pense que la première chose à bien comprendre, c'est que ce qui fait que notre sommeil est insuffisant, c'est le fait de mal fonctionner dans la journée. Et donc cette histoire de temps de sommeil sur lequel on se focalise tant, est-ce que j'ai dormi assez en temps ? Eh bien en fait c'est une question qui n'a pas de sens, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, chacun a un temps de sommeil qui peut être différent. Et donc ce qui fait que vous devez penser que vous avez suffisamment dormi, c'est le fait que vous vous sentiez bien dans la journée. Et déjà, quand on a éliminé tous les patients qui sont venus nous voir parce qu'on leur a dit que c'était pas normal de dormir 5 heures, que vraiment il devait y avoir un souci, parce que dormir 5 heures comme ça tous les jours, c'était sûrement pas assez, surtout avec tout ce qu'on entend sur ce temps de sommeil, ce besoin de respecter le sommeil, ben les gens viennent consulter parce qu'ils s'inquiètent, alors que finalement ils vont très bien, et donc déjà, c'est la première chose à dire. Il faut savoir connaître son propre temps de sommeil et ses propres besoins. Ouais. Et puis ensuite, il y a cette fameuse dette de sommeil dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, de ces personnes qui ne dorment pas suffisamment par rapport à leurs besoins et qui, elles, vont se sentir somnolentes. Et qu'est-ce que la somnolence ? Eh bien, c'est le fait de pouvoir s'endormir dans des situations inadaptées ou adapté à une sieste, par exemple, mais de façon très rapide et très facile. Normalement, quand on n'est pas somnolent, si on se couche, on ne s'endort pas tout de suite. Il faut vraiment un moment pour arriver à dormir. Et donc ça nous permet de différencier la somnolence de quelqu'un qui a une dette de sommeil de la véritable insomnie. Alors, qu'est-ce que la véritable insomnie, du coup ? Eh bien, c'est l'incapacité des personnes à trouver le sommeil parce qu'il existe un déséquilibre entre leurs besoins de sommeil, qui est augmenté, mais aussi leur difficulté à éteindre le système de la veille. Parce que finalement, pour arriver à dormir, il faut deux choses. Il faut allumer le système du sommeil, mais aussi il faut éteindre le système de la veille. Mais il s'allume tout seul, enfin, ce système, non ? Alors, le système du sommeil, il s'allume tout seul quand c'est la bonne heure. C'est ce que vient de nous montrer Claude. Mais il s'active aussi quand on a accumulé un besoin suffisant de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a le système de l'horloge qui régule notre temps de sommeil. Mais il y a aussi un système cumulatif dans le cerveau. C'est vraiment une molécule qui s'accumule dans le cerveau au fur et à mesure que l'activité cérébrale a lieu, un éveil, qui fait qu'on va déclencher le sommeil. Donc c'est comme un réservoir qui se remplit tout au long de la journée et qui va se vider au fur et à mesure que l'on dort. Donc ces deux phénomènes vont faire que il y a un moment qui va être propice à s'endormir. Mais malgré tout, si on est dans cet état d'hyper-éveil, on va pas pouvoir déclencher le sommeil, ou alors on va le déclencher de façon trop courte. Alors je vais peut-être vous raconter une histoire typique d'insomniaque. Alors l'insomniaque rentre à la maison après une journée de travail bien intense, et puis gère son quotidien, les enfants, la famille, les repas, etc. Et là, comme il est crevé quand même, la journée a été longue, il voudrait aller se coucher directement, et que le cerveau s'éteigne comme si on était des machines, vous voyez, qu'on passait d'un état de veille à un état de sommeil comme ça, en appuyant sur un interrupteur. Et bien ça, c'est impossible, parce que vraiment, le cerveau est en hyper-éveil, il est encore trop éveillé pour pouvoir dormir. Alors certains sont quand même tellement épuisés, c'est-à-dire qu'ils ont quand même accumulé un gros besoin de sommeil dans la journée, ils sont réveillés depuis longtemps, et donc, même s'ils sont en hyper-éveil, le cumul de besoins de sommeil est tel qu'ils vont s'endormir. Alors, ils vont s'endormir vite, mais ils vont dormir 2 ou 3 heures. Et puis, 2 heures du matin, ça y est, c'est le réveil. On attend, on est énervé, on n'arrive pas à se rendormir, on regarde l'heure. Alors ça, ça nous énerve encore plus parce que c'est 2 heures et ça, c'est l'heure. Ah, quand je me réveille à 2 heures, je ne me rendors pas. Et donc là, ça enclenche un système qui aggrave cet hyper-éveil et qui fait qu'au lieu d'être à nouveau dans un état favorable au sommeil, eh ben, on est dans cet hyper-éveil et il n'y a pas moyen de se rendormir. Ouais. Donc là, Lionel, on voit la dualité avec le cerveau, hein, finalement, dans ce que vient de nous décrire Valérie. Hein. Oui, et on voit, permanent, et on voit aussi déjà l'intérêt aussi de disposer d'experts du sommeil clinique, parce que derrière quelque chose qui peut se manifester comme une sorte de plainte à peu près en surface qui est la même, l'analyse sémiologique, l'analyse des signes vraiment de rentrer dans le détail de chaque individu va permettre souvent déjà d'identifier de quoi il s'agit, soit de pouvoir immédiatement rassurer comme Valérie le disait, soit d'identifier vraiment le type d'insomnie ou de dysomnie, de trouble du sommeil qui est responsable de la difficulté du patient. Valérie Cochin-Decoq, l'insomnie c'est 20% de la population française? Oui. Presque un quart de la population? Alors c'est extrêmement fréquent. La plainte, elle est quotidienne, hein, quand on discute avec les gens autour de nous, alors que finalement, des conseils d'hygiène de sommeil simple, que je vais essayer de vous décrire, permettent d'améliorer très souvent la situation. Ouais. Donc par exemple, la première chose à faire, c'est de s'autoriser un sas, un moment de transition entre la journée d'activité et le moment où on va aller se coucher. Et donc souvent, ce que je conseille aux personnes, c'est ces 2 heures qui passaient au milieu de la nuit à s'énerver, eh ben, les décaler, se coucher 2 heures plus tard, donc prendre 2 heures en rentrant de l'activité quotidienne pour faire quelque chose de calme, de divertissant, quelque chose qui permette une transition, qui permette ensuite de se coucher dans un état favorable au sommeil, et du coup ne plus se réveiller au milieu de la nuit par cet hyper-éveil qui a persisté parce qu'il n'y a pas eu de moment d'adaptation entre l'activité de la journée et celle de la nuit. Ah oui. Ouais. Et c'est vrai que, sans être expert moi du sommeil, mais le fait de rentrer dans l'explication de ce que c'est que le sommeil à un patient, ça joue un rôle important. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de rentrer dans ce qu'on a posé en quelques minutes, le fait que le sommeil, effectivement, c'est pas un état binaire, mais c'est une succession de stades différents, et que chacun de ces stades est associé à un niveau de profondeur et de type de traitement différent de l'information et de l'état. Rien que cela, déjà, ça permet souvent de faire basculer les patients d'une vision un peu mécaniste, de dire « allez, je passe en mode off ou on », et de comprendre que cette période de sas, ou cette période de progressivement gagner les phases d'endormissement, ce soit normal de pas passer directement à une sorte d'état. Donc l'explication, ça résout pas tout, mais ça peut souvent déjà être... Et en réorganisant, très souvent, les gens arrivent à retrouver un meilleur équilibre et puis en ne cherchant plus quelque chose qui n'est pas possible. On va revenir un petit peu sur l'insomnie parce que finalement, les conseils que vous nous donnez, c'est, on peut dire, dans le cadre d'insomnie assez classique parce qu'il y a différents stades aussi, degrés d'insomnie. Hein. Alors oui, bien sûr, dans certains contextes, l'insomnie va prendre des aspects particuliers, comme une insomnie réactionnelle à une situation de vie très très difficile. Alors là, par exemple, dans ces conditions-là, on va utiliser ponctuellement des hypnotiques, puisque je suppose que vous allez me poser la question de est-ce qu'il faut utiliser des traitements. Donc dans certaines circonstances, oui, quand quelqu'un est dans une situation très anxiogène, du fait de sa vie, ou par exemple avant un geste chirurgical, ou dans le cadre d'un traitement, ou de quelque chose qui contraint vraiment et qui peut perturber le sommeil au point que ça puisse compliquer la situation. Mais sinon, d'une façon générale, finalement, il n'y a pas d'indication à traiter. Alors, autre trouble, c'est l'apnée du sommeil. Ouais. Hein. Alors ça, qu'est-ce que c'est exactement? Alors là, on bascule dans quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va perturber la qualité du sommeil. Donc souvent les personnes ne se rendent même pas compte, mais par contre elles vont dire que alors qu'elles dorment autant qu'avant, le matin elles se réveillent, c'est comme si elles n'avaient pas dormi. Elles sont très fatiguées, très somnolentes pour le coup, c'est-à-dire qu'elles, si vraiment dans la journée elles se posent, elles vont s'endormir, ou même dans des situations inadaptées, hein, dans des réunions, dès qu'elles sont en situation de calme, elles vont pouvoir s'endormir. Et en fait ce phénomène est lié à des blocages de la respiration pendant la nuit. Donc, normalement, la respiration est régulière pendant le sommeil, relativement régulière, mais chez ces personnes-là, la respiration est bloquée. Alors, pourquoi elle est bloquée? Tout simplement parce qu'il y a une obstruction au niveau du pharynx, de la gorge. Alors, à quoi est-elle due? Normalement, quand on inspire, on ouvre la cage thoracique et l'air est aspiré vers le bas. Et l'air passe à travers une colonne, comme un tube, quoi. Et ce tube est rigide au niveau du nez, il est rigide au niveau de la trachée, on a des anneaux en cartilage, mais au milieu, là, c'est mou. Et au moment où on inspire, quand on dort, ce tissu étant relâché, il a tendance à se collaber. Et donc les parois du tube se rétrécissent. Si pour des raisons anatomiques, parce qu'on a une petite mâchoire, une grosse langue, ou un peu de gras au niveau du cou, parce qu'on a pris quelques kilos, eh ben le canal est rétréci. À ce moment-là, il se collabe et l'air ne passe plus du tout. On fait une apnée. Donc, quand on fait ça, eh ben, 30 fois par heure, la respiration est bloquée 30 fois par heure. 30 fois par heure, on se réveille en sursaut. Le fait de reprendre inconsciemment, hein, puisque ce sont des micro-éveils inconscients, un certain niveau de vigilance va permettre de rouvrir les voies aériennes et l'air passe à nouveau. Mais le fait de faire ça toute la nuit, c'est un véritable combat. Et les gens se réveillent épuisés. Ils se sont réveillés à de multiples reprises inconsciemment. Ils ne se sont pas reposés. Ils n'arrivent pas à atteindre les stades du sommeil profond réparateur. Et donc, la journée est gâchée. Ouais. Alors, comment on traite ça, justement ? Alors, il y a plusieurs traitements. Il y a des traitements de la cause. C'est-à-dire, quand c'est une obésité, par exemple, qui est à l'origine du rétrécissement, ben, évidemment, si on peut aider les gens à perdre du poids, c'est l'idéal. Si c'est un obstacle, par exemple, des grosses amygdales chez un enfant, enlever les amygdales va régler la situation. Si c'est un problème de mâchoire, alors il peut y avoir des chirurgies, il peut y avoir des traitements. Et puis, quand on ne peut pas agir, soit parce que finalement c'est juste un relâchement du tissu lié à l'âge ou c'est une grosse langue et on ne peut pas enlever la langue, eh bien, on va utiliser alors soit une machine qui s'appelle la pression positive continue nocturne. Et cette machine va envoyer une pression d'air continue qui va maintenir le tuyau ouvert par cette pression et éviter que le tuyau se collabe. Et juste cette insufflation d'air permanente permet de faire comme une béquille qui tient les voies aériennes ouvertes. Donc ça, c'est la machine, la pression positive continue nocturne. Et l'autre option qui se développe de plus en plus parce qu'elle est quand même plus légère à utiliser, mais peut-être pas toujours aussi efficace, mais quand même très utile, c'est l'orthèse d'avancée mandibulaire. Donc c'est un appareil dentaire qui en fait tire sur la mâchoire du bas pour l'aligner, voire la tirer en avant par rapport à la mâchoire du haut, et du coup libérer l'espace derrière la langue, au fond de la gorge. Valérie Cochin-Lecoq, on va regarder l'image d'une jeune femme, je crois que c'est un montage avec plusieurs clichés justement de cette jeune femme, voilà, qu'on voit dormir dans toutes les situations. Alors dans le bus, ça pourrait nous paraître normal, mais en cours, c'est un petit peu moins évidemment normal. Cette jeune fille est atteinte d'hypersomnie, donc c'est exactement le contraire de l'insomnie. Voilà. Parmi les causes de somnolence, donc on a parlé de l'apnée, qui est une cause très fréquente, on a parlé de la dette de sommeil, très fréquente aussi, mais il y a aussi des véritables maladies neurologiques où le cerveau se met à fabriquer trop de sommeil. Et c'est ce dont se plaint cette jeune fille que donc ses amis ont pris en photo en lui disant « Écoute, regarde à quel point dans la même journée tu peux t'endormir deux fois. » Elle en avait conscience, mais se voir comme ça, ça l'avait perturbée. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé ces photos. Et donc ce sont des personnes qui vont pouvoir dormir mais un temps qui paraît incroyable, 14 heures, 16 heures d'affilée, mais tous les jours, c'est-à-dire c'est pas comme nous quand on fait un rebond de sommeil après plusieurs nuits de privation. Ce sont des personnes qui vont dormir comme ça tout le temps. Et ouais. En vacances, par exemple, elles vont dormir de façon très prolongée. Et du coup, quand elles sont obligées de vivre au rythme de notre société, eh bien, elles se retrouvent très somnolentes et donc elles vont s'endormir dès qu'elles le peuvent pour rattraper ce sommeil qui leur manque. Mais on connaît les causes vraiment de cette Alors le mécanisme de cette pathologie, on le connaît pas. On a l'impression que c'est le système du réveil qui fonctionne pas bien et jamais elle n'arrive à sortir complètement de l'éveil. Et puis des études toutes récentes viennent de montrer qu'il y aurait un hypofonctionnement, un éveil de ces personnes-là, comme si elles n'arrivaient pas à se réveiller complètement dans certaines régions du cerveau. Mais on arrive à traiter les personnes quand même, oui. Avec de bons résultats. En général, on a de très bons résultats. Ouais. Alors justement, il y a pareil, un internaute, Michel, qui demande quelle est l'origine de la narcolepsie exactement. Est-ce qu'elle est fréquente ? Est-ce que c'est une maladie là aussi ? Alors la narcolepsie, c'est l'autre grande forme d'hypersomnie, plus fréquente que l'hypersomnie idiopathique, on a commencé par elle parce qu'on avait cette jeune femme, mais elle est plus fréquente. La narcolepsie, c'est un peu différent parce que c'est une maladie du sommeil paradoxal, ce fameux sommeil dont on a parlé, oui. Qui va apparaître de façon inadaptée, incontrôlée, mal régulée. Normalement, on passe d'abord par des stades de sommeil légers, puis profonds, avant de faire le sommeil paradoxal. Et ces patients-là, eux, arrivent à passer directement au sommeil paradoxal. Donc ça va entraîner des endormissements très rapides en journée, des endormissements au cours desquels ils peuvent se mettre à rêver très vite, ce que normalement on ne peut pas faire sur des siestes courtes. Et puis, ils vont avoir d'autres anomalies du sommeil paradoxal, comme par exemple avoir cette paralysie dont on a parlé tout à l'heure, en plein éveil. Et c'est ce qu'on appelle la cataplexie, c'est-à-dire que, à l'émotion, eh bien, ils vont s'effondrer. C'est-à-dire que leur corps lâche complètement, le tonus musculaire disparaît, ils se retrouvent dans cette paralysie du sommeil paradoxal, en plein éveil. Donc, ils sont complètement réveillés, mais ils s'effondrent. J'avais le souvenir d'un adolescent, en fait, qui avait identifié que son professeur était narcoleptique et que le voir rire, donc quand son prof essayait de l'engueuler, il se mettait à rire devant lui et puis une cataplexie. Ça, c'est très bon à savoir. Ouais, effectivement. Mais c'est des histoires comme ça qu'on voit. C'est des histoires. Jeanne nous avait écrit également pour nous dire « Mon fils de 10 ans est parfois somnambule. Est-ce qu'il existe des facteurs provoquant le somnambulisme ? Est-ce vraiment dangereux de réveiller un somnambule ?» Alors là, on est dans une autre catégorie de troubles. Voilà, ouais. Donc on a parlé des insomnies, on a parlé des hypersomnies, et maintenant on va parler des parasomnies. Alors les parasomnies, ce sont ces manifestations motrices, comportementales, qui surviennent pendant le sommeil, et qui ne sont pas normales, quoique très fréquentes, par exemple pour le somnambulisme, en particulier chez l'enfant. Alors qu'est-ce que c'est le somnambulisme ? La définition, c'est la capacité de déambuler en dormant. Donc ce sont le plus souvent des enfants qu'on retrouve assis devant la télé éteinte au milieu du salon, on ne sait pas comment ils sont arrivés là, ou qui déambulent dans la maison, ce sont les choses qu'on nous raconte le plus souvent. Mais en fait ça peut prendre des aspects beaucoup plus complexes, puisque on peut ouvrir la porte, on peut prendre une douche, on peut se maquiller, se préparer, et certains sont même arrivés à conduire des voitures. Et j'ai une patiente qui m'a raconté s'être réveillée à 4h du matin en pyjama, assise à son bureau, réalisant qu'elle était venue en voiture, qu'elle avait été capable d'ouvrir le portail du bureau qui apparemment faisait énormément de bruit, et ça elle ne comprenait pas comment elle avait pu faire ça, et elle avait conduit et elle était là et... Mais c'est très dangereux quand même. Alors c'était... la grâce matinée, le somnambulisme, Mathieu, vous avez... Je suis troublé. Alors... C'est exceptionnel, évidemment, que ça prenne des proportions aussi importantes. Le plus souvent, ce sont des déambulations calmes dans la maison. C'est très fréquent chez l'enfant. Et en général, si on lui conseille gentiment d'aller se coucher, il va se recoucher. Maintenant, est-ce qu'il faut le réveiller ? Alors, le plus souvent, ça n'a aucun intérêt, puisque finalement, il va se rendormir. Maintenant, s'il est en train d'enjamber la balustrade, il ne faut pas hésiter. Très bien. Surtout si la voiture n'est pas loin à proximité. Et là, on a besoin d'un expert du sommeil. Et donc, en fait, le somnambule, qu'est-ce qu'il fait ? Il active certaines régions de son cerveau, mais par contre, il n'a pas forcément réveillé les régions qui sont responsables du jugement. Donc, sauter par la fenêtre, pourquoi pas ? La mémoire. Et donc, le lendemain, il ne se rappellera pas du tout ce qu'il a fait. Voilà. Donc, encore un exemple de ces éveils dissociés dont on a parlé. Et le dernier exemple, une si vidéo, vous voulez. Hein, on va regarder, voilà, ce monsieur qui dort avec des capteurs. Donc c'est un patient dans le laboratoire du sommeil, et la journée qui précède, il a regardé un film de kung-fu et il m'a dit avoir rêvé de kung-fu. Donc ce patient, il est capable de faire les gestes qu'il est en train de rêver. C'est ce qu'on appelle le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Donc comme on vous l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, quand on est en sommeil paradoxal, on est paralysé et normalement on ne peut pas bouger. Et chez ces personnes-là, ben, la motricité est restaurée. Ils sont capables de faire les gestes qu'ils sont en train de rêver. Et là, vous venez de voir son rêve en temps réel, finalement, tel qu'il se passe à ce moment-là dans son cerveau. Or, ce mécanisme est étonnant parce que on s'est rendu compte, quand on a suivi dans le temps les personnes qui présentaient ces troubles-là, que dans les années qui suivaient, ils tendaient à développer des maladies neurodégénératives, et en particulier la maladie de Parkinson. Et les études ont permis de comprendre que finalement, ces maladies, comme la maladie de Parkinson, touchaient le cerveau de proche en proche, de façon ascendante. Et que finalement, si les personnes se mettaient à mimer leurs rêves comme ça pendant leur sommeil à ce moment-là, c'est parce que déjà, certaines parties du cerveau étaient touchées. Et que quelques années plus tard, l'ascension de la maladie allait toucher d'autres structures, dont celle qui contrôle la motricité, et donc donner la maladie de Parkinson telle qu'elle est connue habituellement, le tremblement, la raideur, la lenteur. Et donc finalement, ce phénomène est un indice d'une probable future maladie de Parkinson ou apparenté. Après, il y a de nombreux diagnostics différentiels. On peut se tromper. Des apnées peuvent déclencher des choses qui ressemblent à ça. On peut rester somnambule en vieillissant, même si c'est une maladie de l'enfance. Donc, enfin, un phénomène lié à l'enfance, on pourrait dire même. Donc, je pense qu'il faut être alerté, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter trop non plus. Il faut consulter. Pourquoi il faut consulter? Parce qu'on pense dans les années à venir avoir des traitements qui bloqueront l'évolution de la maladie de Parkinson. Donc du coup, ces personnes qui ont ça, peut-être qu'on va arriver à les traiter avant même qu'elles aient la maladie. Et ça, c'est un vrai espoir. Merci beaucoup en tout cas Valérie Cochin-Decoq. On a fait un tour d'horizon. Il y a beaucoup d'autres troubles. Merci en tout cas à vous. Merci infiniment. Merci. À tout à l'heure. Voilà Lionel. La fin de cette conférence va bientôt arriver. Et c'est vous qui allez conclure, Lionel. On voit à quel point, justement, ce thème est protéiforme. Il y a énormément de choses entre la recherche, justement, et la partie clinique. Extrêmement large, et on vient de le voir avec Valérie aussi. C'est aussi l'importance de... Là, c'est une sorte de survol qu'on a fait, mais qu'ensuite, à un moment donné, pour clôturer l'aspect médical, si quelqu'un souffre d'un problème de sommeil, à un moment donné, il faut le débrouiller. Et parfois, on a besoin de faire appel à des experts tels que Valérie. C'est-à-dire qu'effectivement, devant un trouble moteur du sommeil, il peut y avoir mille et un diagnostics différents. Et donc, le meilleur conseil qu'on puisse donner, et qui ne sont pas tous nécessairement inquiétants, c'est de ne pas les négliger, en fait. C'est vrai. Voilà, ainsi s'achève ce cycle de conférences sur le cerveau que nous avons eu le plaisir de vous présenter tout au long de cette année avec le neurologue Lionel Nakache. L'année prochaine, France Inter vous proposera un nouveau cycle sur la planète qui sera présenté par Denis Chessou, Ali Rebéi et votre serviteur. Merci en attendant à Frédéric Milano qui a réalisé ce dernier podcast et à Lucie Sarfati qui a préparé le contenu de ces conférences. À bientôt. En partenariat avec la Massif. Essentiel pour moi.